Chapitre 6e. La chambre du roi. Le 28 octobre 1626, au matin, la prison de Nantes était enveloppée d'un brouillard sombre et compact. Le peu de personnes qui traversaient ses alentours, presque inhabitées, prenaient au regard la teinte de la brume qui les voilait et semblaient des ombres passagères. Une d'elles avait surtout cette apparence, car elle portait une longue cape grise en rapport avec le ton de l'atmosphère et un masque. Elle était élancée et légère, et parcourait les vieilles galeries tournant autour du lugubre monument de l'air d'anxiété et de mystère qu'on suppose aux âmes en peine. La duchesse de Chevreuse, depuis qu'elle était venue habiter avec la cour la ville de Nantes, où Chalais était enchaîné depuis un mois dans la plus rigide des prisons d'État, n'avait pas eu le courage d'approcher de ce lieu d'effroi. Un jour seulement, en passant dans le carrosse de la reine sur la place du Bouffay, d'où l'on aperçoit au fond d'une rue étroite la toiture et les arcs boutants du terrible édifice, elle avait senti son front se couvrir d'une sueur froide qui mouillait ses cheveux et ses forces l'abandonner. Mais maintenant tout était changé. Elle avait l'espoir, la certitude de sauver Chalais, car quelle que dût être la condition qu'on attachait à sa délivrance, elle était bien déterminée à la remplir, elle le jurait devant Dieu. Alors elle était venue elle-même, et pleine de consolation, cherchait la vue de ces murs qui lui avaient causé tant d'épouvante. En attendant 9 heures, moment fixé pour son entrevue avec le roi, elle avait mis sur sa somptueuse toilette une cape grise qui tombait jusqu'à ses pieds et cachait même ses mains délicates, un masque noir sur son visage, n'ayant plus ainsi que l'apparence d'une femme du peuple. Elle était descendue de sa chaise, qu'elle avait laissée avec les porteurs sur la place publique voisine, et tournant en tous sens le noir donjon qu'habitait son amant, elle avait au moins la douceur de se rapprocher de lui autant qu'il lui était donné de le faire. Sans doute, il existait bien peu d'espoir d'obtenir la moindre communication avec le prisonnier pour lui apprendre le salut qui l'attendait. Mais elle pouvait toucher, mesurer du regard ces murs impénétrables derrière lesquels il était. Elle respirait à un moment le même air qu'elle est entrée dans le cachot de Chalais. Elle entendait en même temps que lui le bruit intérieur de la prison, les pas retentissant dans les couloirs, le grincement des verrous, les mots d'ordre des gardes, toute cette sourde rumeur du jour naissant, jour plus triste que la nuit dans cette triste enceinte. Et puis, il arrive parfois des incidents auxquels on était loin de s'attendre, peut-être un de ces hasards pour lui apprendre quelque chose du prisonnier. Une demi-heure s'était passée pour elle à errer dans ses galeries, à pleurer, à appeler une aide secourable de tous les cris de son cœur. La duchesse de Chevreuse se trouvait devant une porte de la prison donnant sur une très étroite rue, en face de laquelle était un cabaret. Un homme de 6 pieds ou à peu près, maigre et pâle, sortait de la taverne et tenait encore le bouton de la porte qu'il refermait sur lui. C'était un des geôliers, celui justement qui était spécialement chargé de la garde du prince de Chalais, et il s'en allait, résistant aux énergiques invitations qui partaient du fond du cabaret. « Non, non » s'écria-t-il en s'échappant. « Je retourne à mon poste. » En entendant ces mots, la duchesse de Chevreuse se jeta, par une inspiration soudaine, entre le guichetier et la petite porte par laquelle il allait entrer. « Monsieur, monsieur » dit-elle, « il faut que je vous parle. De grâce, écoutez-moi. »« Que voulez-vous, ma chère ? » ?»« Je suis prêt à vous entendre, madame. » La duchesse venait de faire un mouvement, et le changement subit du ton du guichetier avait été amené par le costume nobiliaire que son œil exercé venait d'apercevoir sous sa cape grise. Mais maintenant que madame de Chevreuse avait la permission de parler, elle ne savait que dire. Elle avait saisi avidement cette chance favorable, sans avoir eu le temps d'arrêter dans son esprit quelle espérance précise elle lui offrait, quelle partie elle pourrait en tirer. Le guichetier attendait, mais ne recevant pas de réponse, il allait passer outre. Elle arracha de son doigt un anneau de diamant qu'elle lui tendit pour fixer son attention et l'arrêter une minute de plus, et puis elle lui dit « Monsieur, vous allez vers le prince de Chalais ?»« Oui, madame, qu'y aura-t-il pour votre service ?»« Je veux aller avec vous, le voir une minute, devant vous. »« Vous mettrez cela le prix que vous voudrez. »« C'est impossible, madame, à quelque prix que ce soit. »« Eh bien, veuillez lui porter une lettre, par grâce, par pitié. » Le prisonnier, confié à ma garde, ne recevra ni lettre ni visite. « Alors dites-lui, je ne peux rien lui dire, madame. »« Oh mon Dieu, rien, rien !» Elle se frappa le front de désespoir. Et puis elle eut une idée. Elle prit un bouquet de trois roses qui était à sa ceinture et dit à cet homme, en appuyant sa demande de tout l'or qu'elle avait sur elle, « Au moins, monsieur, vous ne refuserez pas de lui remettre ceci. Il n'y a rien là de dangereux. Ce ne sont pas des armes de révolte. » Elle espérait que Chalet comprendrait le favorable augure de ce message. L'employé de la prison, voyant une si belle dame lui tendre ce bouquet, sentit qu'il n'était pas fait pour y porter la main. Il déchira au registre qu'il portait dans sa poche un morceau de papier dont il enveloppa le pied des fleurs et il promit de les remettre. « Eh bien, monsieur, dit-elle avec une grâce de prière enchanteresse, laissez-moi écrire quelques mots sur ce papier. Ce ne sera pas une lettre, ce ne sera pas un message, mais seulement quelques traits de crayon sur un morceau de papier ouvert sous vos yeux. » Le guichetier lui tendit la plume et l'encrier qu'il avait sur lui, et Valentine, palpitante de joie, écrivit à la hâte. Rappelant les paroles que Chalet lui avait dites la veille de la conjuration de Limour, en lui donnant aussi un bouquet de roses, elle mit ces mots. « Quand il se sera écoulé autant d'heures qu'il y a de fleurs dans ce bouquet, vous serez sauvé des mains de votre ennemi. » Puis elle retourna pas pressée rejoindre sa chaise à porteur et rentra chez elle, songeant avec un bonheur indicible que Chalet avait déjà l'heureuse nouvelle apportée par quelques mots de la main adorée et par des fleurs. Il y avait si longtemps que le malheureux n'en avait vu. Louis XIII occupait en ce moment l'antique résidence royale de Nantes, autrefois habitée par les ducs de Bretagne. Les vastes pièces de son appartement avaient la morne grandeur d'une demeure princière, sans le luxe et l'éclat qui la rehaussent. Leur étendue faisait mieux ressortir la solitude et le silence qui y régnaient. Dans l'antichambre, où commençait à pénétrer la clarté pâle et froide de cette matinée, étaient deux grandes croisées aux carreaux nus et plombés. Entre elles deux, et devant un grand bahut de noyer, veillait le seul domestique qui habita cette enceinte, étendu sur une chaise, les bras et les jambes croisés et bâillant à outrance. En face de lui était une grande console de noyer au montant garni de cuivre doré, surmontée d'une figure grotesque, portant un bras de cuivre où brûlait encore cinq bougies allumées pour la nuit. Cette figure d'ornement tournait les yeux, faisait un mouvement de tête et bâillait par réfraction lorsque la grande figure du valet qui était devant elle venait de bâiller. Cette chose vivante était Geoffroy, le nain du roi, qu'on avait mis sur cette console en manière de candélabre. La pièce suivante, la chambre du roi, n'était guère plus animée. Les murs, couverts de tapisseries de haute lisse, étaient chargés des objets que Louis aimait à rassembler autour de lui. C'étaient les armes qu'il portait au siège de Royan, une carte du pays de Moissac qu'il avait levée pour une opération de stratégie, comme aurait pu le faire le plus habile ingénieur, une arquebuse travaillée de ses mains, un Christ d'ivoire sculpté par lui, puis le luth sur lequel il chantait ses romances, un grand nombre d'images de piété qu'il avait coloriées lui-même, un corps de chat surmontant un livre de vénerie dont il avait couvert les marges de savantes annotations, près de là, à côté de son lit surmonté de bouquets, de panaches, une robe de moine dont il aimait parfois à se revêtir. Mais tous ces objets semblaient froids et morts. Le jour descendait lentement dans cette pièce. Un feu sourd y brûlait sans jeter aucune étincelle. On aurait dit que la lumière et la chaleur refusaient d'y pénétrer. La vie n'y circulait pas. Louis XIII portait un costume entièrement noir, dont des aiguillettes et des nœuds d'argent mat augmentaient encore le caractère de deuil. Le prince était d'une grande faiblesse de complexion. Il avait un visage fatigué, que la maladie et la tristesse disputaient le droit de pâlir. Sa main amaigrie soutenait son front et y ramenait de temps en temps ses rares cheveux. Ses regards, d'une tristesse brûlante, étaient attachés sur un objet posé devant lui. Au milieu d'un bureau où se voyait un livre d'heures, des reliquaires, plusieurs chapelets, une tête de mort, était aussi un coffret d'ivoire garni d'or, coquet, parfumé, sculpté de nymphes et d'amour, qui semblait en complète désharmonie avec ce qui l'entourait. Ce coffret ouvert montrait une quantité de petites lettres soyeuses et embaumées, dont plusieurs tombaient à l'entour, comme débordant d'un vase trop plein. Il avait été saisi chez Chalet au moment de l'arrestation et déposé par l'ordre de Richelieu sous les yeux du roi. C'était cet objet que Louis regardait en ce moment avec tant d'angoisse. Sa main remuait ses lettres et les froissait avec colère. Elles étaient de la duchesse de Chevreuse à Chalet, dans le moment rapide de leurs amours heureux. Oui, disait-il en regardant autour de lui. « Tout ce que disent ces lettres est vrai. Voilà bien ce luth qu'on me reproche de tenir dans mes mains royales, quand, accablé des tristesses qui remplissent mon âme, je me donne la douceur de les envelopper de poésie, de les couler dans le rythme pour les sentir passer à mon oreille en douce mélodie. Oui, c'est vrai aussi, j'ai revêtu parfois cette robe de chartreux que voici suspendue à la muraille. Et vous n'avez pas tout dit, madame. Vous ne savez pas que cette robe a essuyé la poudre des dalles de l'église. Vous ne savez pas que j'allais, ainsi revêtu, m'agenouiller la nuit au fond du sanctuaire. Je n'entendais plus de bruit autour de moi. Je rêvais, en disant mes psaumes, que j'avais toujours porté cette robe, qui n'était pour moi qu'un moment de paix à passer sur la terre, avec la certitude du bonheur éternel au-delà. Je n'avais plus d'ennemis, plus de frères attendant ma mort pour prendre mon trône et ma femme, plus de ministres m'humiliant par sa puissance, plus de peuple me jetant au visage ses rires et ses sarcasmes. J'oubliais. Et voilà les choses dont on me fait un crime. Mon Dieu, on me voudrait donc bien malheureux qu'on me reproche avec tant d'amertume mes pauvres moments de consolation. » Et une larme tomba des yeux de Louis, qui faisait mille efforts pour la retenir. Il l'essuya avec un empressement plein de terreur. « Oh ! » s'écria-t-il, « si l'on me voyait pleurer, c'est bien alors que j'entendrais autour de moi ce mot de faible qu'on attache toujours à mon nom, faible. L'étais-je sur le champ de bataille, quand mon vieux Bassompierre disait en parlant de moi, « Je n'ai jamais vu un si vaillant homme de guerre. Avais-je peur de la mort ? » Mais on prend tous les moyens de me blâmer, de me chansonner, de me calomnier, parce qu'on ne m'aime pas. Un roi a bien de la peine à être aimé. Que d'ennemis, que de détracteurs de tous côtés, envers qui je n'ai rien à me reprocher, que trop de bienfaits. Eh bien, un autre pourrait se venger. Moi, qui ai la force armée entre les mains, moi qui n'ai qu'un mot à dire pour tuer, je ferai horreur en punissant. La vengeance chez tous les hommes, c'est honneur, chez un roi, c'est cruauté. N'aimer ni haïr, mon Dieu, c'est un tombeau que cette vie. 9 heures sonnèrent. Le roi entendit un carreau s'arrêter sous ses fenêtres. C'était sûrement la duchesse de Chevreuse qui arrivait. Il prit une contenance ferme. Et cependant, devant cette femme qu'il pouvait accabler, comme roi, comme maître, comme juge, il n'était pas sans quelques mouvements de timidité. Mais la duchesse, en abordant le seuil royal, elle était glacée de crainte. Tout concourait à lui ôter son assurance naturelle. À son retour chez elle, après sa course matinale, elle avait vu à peine la pâleur, l'abattement que la fatigue avait mis sur ses traits, le désordre de sa toilette, qu'elle avait à peine eu le temps de réparer avant l'audience du roi. Ce n'était pas puérile coquetterie, mais sa beauté était un moyen d'influer sur la clémence de Louis, et elle eût voulu la posséder en entier. Ce fut donc en tremblant qu'elle aborda Louis XIII, qu'on pouvait dédaigner et railler de loin, mais qui en face était toujours le roi, c'est-à-dire l'homme que le droit divin, reconnu par la foi de ce temps, séparait du reste de l'humanité et marquait d'un sceau suprême. Elle se prosterna devant lui. Le roi lui fit signe froidement de se placer dans un fauteuil qui l'attendait. « Madame, lui dit-il, avant de vous proposer les arrangements que je puis prendre avec vous, je dois établir nettement notre position vis-à-vis l'un de l'autre. » « Ne vous ai-je pas, bien jeune encore, choisi pour époux l'homme le plus haut placé de ma cour, le connétable de Luynes, que la France regardait comme son souverain après moi? Ne vous ai-je pas, à sa mort, laissé jouir de tous les titres, de tous les biens sur lesquels vous, jeune femme, vous n'aviez d'autre droit que ceux que vous donnez ma bonté? Puis, ne vous ai-je pas de nouveau marié au sieur de Chevreuse, duc et pair de France, frère du duc de Guise? Tout cela est vrai, sire. » « N'était-ce pas là, vous aimez bien plus que ceux qui vous prodiguaient l'encens et les adulations sans rien faire pour vous? N'était-ce pas une délicate affection que celle qui ne vous demandait rien en échange de ce qu'elle donnait, et conservait avec vous cette réserve grâce à laquelle elle pouvait vous combler de bienfaits sans vous compromettre? Oh, sire, je reconnais toutes ces bontés à genoux. Voilà ce que j'étais pour vous. Voici ce que vous étiez pour moi. » Et il lui tendit une lettre du coffret. « Lisez là-haut, madame. « Moi, je viens de dire franchement quels étaient mes sentiments pour vous. C'est à vous d'exprimer maintenant ce que vous me portiez. » Alors elle endura le supplice de lire haut les injures sorties de sa plume devant celui qu'elle outrageait si cruellement. Chaque mot à prononcer lui coûtait des efforts aussi douloureux que si un fer ardent les eût arrachés de sa poitrine. Une sueur froide coulait de son front et se mêlait aux larmes qui couvraient ses joues. Quand la torture fut achevée, elle tomba brisée et gémissante aux genoux du roi. « Eh bien oui, dit-elle, tout cela est affreux, tout cela fait horreur. Méchal est innocent de ces lettres indignes que je lui adressais. Il ne s'est pas laissé emporter, lui, par un moment de folie, de délire causé par le dépit. Il est innocent, sire, et c'est pour lui que j'implore votre bonté. Ma bonté. N'avez-vous pas décidé dans votre conseil de beaux esprits que, certainement, le roi de France n'était pas le roi de cœur ? Eh bien, sire, votre justice, vous voulez dire ma justesse, à tirer de l'arquebuse, c'est la seule que je possède. Ainsi l'avez-vous décidé dans vos arrêts portés contre moi ? Alors, sire, pardonnez par pitié. De la pitié, en avez-vous eu pour moi ? C'était quand vous me voyiez pâle, souffrant, brisé, que vous lanciez contre moi vos plaisanteries amères. J'ai depuis longtemps quitté la couleur des rois, pour un deuil continuel. Les sillons de mon visage, le délabrement de ma santé, attestent assez les souffrances qui déchirent mon corps et mon âme, montrent l'homme destiné bien jeune à la tombe. Cela ne vous empêchait pas de m'accabler de sarcasmes, de calomnies, des traits continuels de votre méchanceté. Sire, je me sens mourir à vos pieds. Elle était en effet si changée, si digne de compassion, qu'il la releva et la replaça dans son fauteuil. « Je n'ai plus maintenant qu'à vous implorer au nom de Dieu, » dit-elle gravement. « Et vous ferez bien, car c'est pour Dieu seul que je vais agir. C'est en chrétien, et non en homme, ni en roi, que je vais prononcer. Votre liaison avec le prince de Chalais est une des plus connues de ma cour. Consentez-lui à donner votre main et à vous éloigner avec lui de la France. À ce prix, je lui ferai grâce de sa trahison, à vous de votre ingratitude. » Pour ôter le scandale de l'air qui m'environne, j'immole mon ressentiment. Dieu me tiendra compte du sacrifice. » La duchesse était hors d'elle-même. En entendant ces paroles du roi, il lui était impossible de discerner si ce qu'on demandait d'elle était en son pouvoir ou non, et de deviner ce qu'il fallait répondre. Sa raison l'avait abandonnée, son cœur était sans mouvement. Louis lui dit alors que le procès de Chalais était instruit par une commission spéciale, qui ne pouvait moins faire que d'infliger la peine capitale pour son crime de lèse-majesté, que si, dans le peu de temps qui séparait le jugement de l'exécution, elle voulait signer là un contrat de mariage avec le condamné, il ferait usage en sa faveur de la grâce dont il pouvait toujours disposer. Il ajouta qu'elle avait encore 48 heures pour réfléchir, et jugeant à l'état de faiblesse et d'angoisse où il la voyait, qu'elle était hors d'état de lui adresser aucune réponse, il la fit conduire à son carrosse.